Activité 43. Le restaurant Les Saisons, j'écoute. Bonjour madame, je voudrais réserver 4 couverts pour ce soir. Bonjour monsieur, un instant je vous prie, je vais voir ce qui est disponible. Je peux vous réserver une table en terrasse ou à l'intérieur? Il ne fait pas très beau, je préfère à l'intérieur. Fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur. À quelle heure viendrez-vous dîner? Vers 20h30. Je fais la réservation à quel nom? Monsieur Deville. Parfait, monsieur Deville, à tout à l'heure.